Le quotidien coréen Rodong Sinmun, en date de mardi, a présenté l'éditorial sous thème « Félicitations chaleureuses à la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée ». L'éditorialiste indique que la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée est la manifestation sublime de l'amour pour la postérité du parti qui augmente au fil des jours et le festival politique significatif montrant parfaitement le bonheur de nos enfants qui grandissent sans rien à envier dans le monde, entourés des soins affectueux. Il a appelé tous les membres de l'Organisation des enfants à devenir dignes fils et filles du maréchal Kim Jong-un et futur maître de la Corée prospère, en gardant profondément l'honneur et la fierté d'être membre de la glorieuse Organisation des enfants Kim Il-sung et Kim Jong-il.